l'Alliance nationale des organisations des travailleurs, réunissant le comité central de l'Union de la jeunesse kim-il-suniste, Kim Jong-list, le comité central de la Fédération générale des syndicats de Corée, le comité central de l'Union des travailleurs agricoles de Corée et le comité central de l'Union démocratique des femmes de Corée, a lancé le 17 courant une déclaration qui dit notamment « Pakone profite de toutes les occasions, comme cérémonie pour la journée de l'armée nationale et réunion des ministres, pour pérorer sur la politique tyrannique et la rupture du régime, comme si une soi-disant affaire se produit dans notre société, et des réfugiés du Nord seront installés massivement en Corée du Sud, en parlant de la fuite d'une vie misérable pour l'émigration et de la fuite de la gauche d'élite. » Elle décrit la Corée du Sud pourrie comme terre de la liberté et lance des bêtises qu'elle accueillera à bras ouverts les réfugiés pour qu'ils soient heureux. À son incitation, ses valets et les presses conservatrices, y compris le ministère de l'Unification, affichent un soi-disant plan de construction du village des déserteurs et poussent les rebuts qui ont fui le Nord il y a déjà longtemps à débiter des mêmes bêtises. Ce sont des purs mensonges inventés par la bande traîtresse angoissée qui est inférieure sur le plan stratégique à notre pays, possesseur puissant du nucléaire. Sans parler des milieux politiques, mais encore sociaux, la condamne vertement. Notre puissante armée révolutionnaire Paektusan a stigmatisé comme ennemi juré de la nation la bande de Pakone qui ose viser la direction de notre révolution en parlant d'une opération de suppression de commandement, et elle met dans sa visée la Maison Bleue, foyer du mal. Pakone a révélé son ambition d'unification par absorption, et les masses travailleuses de notre République déclarent s'engager dans le combat sacré de tout le peuple pour renverser le régime réactionnaire sud-coréen corrompu et mettre fin à l'existence de Pakone.